l'histoire de Gay Luigi qui est avec Mario. Gay Luigi. Ils ont une lettre signée du bon vieux roi d'Hyrule. Il dit qu'il a capturé la princesse Spaghetti. Spaghetti. My boy. What's for dinner? Only Octoroks. Octoroks. Il faut que j'arrête les YouTube poops. Il faut que j'arrête les YouTube poops et que je me remette à Loïc Touma. Il faut que j'arrête les YouTube poops et que je me remette à Goto One. What that? It's a football. It's a stone, Luigi. It's a football. It's a stone. All right, wise guy. Dr. Rabbit s'est mangé Mr. Volcano. Robotnik et son pénis vont regarder Tell Tales Révolution. Chris Crocker nous dit de laisser Bob l'éponge tranquille. Oh boy. Yoshi is enough to conquer Mama Luigi. Il faut que j'arrête les YouTube poops et que je me remette aux animutations. Il faut que j'arrête les YouTube poops et que je me remette aux fanfictions. Here's the problem, too many toasters. You know what they say, all toasters toast. YouTube connaît pas le potentiel de sa merde. C'est fun, c'est marrant, ça fait peur et c'est très nul. Même en français, on pourrait bien y arriver. Le dîner. Je pars pour Gamelon pour tout manger Zelda. Il faut que j'arrête les YouTube poops et que je me remette à Loïc Touma. Il faut que j'arrête les YouTube poops et que je me remette à Goto One. This is Sparta! Arrête les YouTube poops et que je me remette à l'invitation. Arrête les YouTube poops et que je me remette aux fanfictions. J'arrête les YouTube poops avant qu'ils suppriment mon compte. J'arrête les YouTube poops que je poste des vidéos de chats. YouTube poop. Where there's smoke, they pinch back.